Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ومن أعظم البراهين على وحدانية الله ووجوب وجوده ما دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أممهم ونبهتهم على البراهين العقلية على ذلك وأخبروهم خبرا معلنين به ومتفقين عليه أن وجود الرب أظهر من كل شيء وأجلى وأوضح من كل شيء وأعلى من كل شيء وأنه لا يمكن أن يعترض ذلك شك ولا ريب بوجه من الوجوه ولهذا قالت رسلهم جميعا أفي الله الشك نعم من البراهين parmi les preuves qui montrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité ما دعت إليه الرسل أممهم أي les messagers ils ont tous appelé au même message à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. قال وهذا استفهام وإنكار أي أفي الله الشك est-ce que vous avez des doutes في الله عز وجل أي sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala أنه c'est le créateur أنه il mérite l'adoration إلى آخره قال وهذا استفهام وإنكار عظيم على من يشك أو يمتري بالله وبيان أنه متقرر في عقول الخلق وفطرهم أن وجود الله ووحدانيته أظهر الأشياء وأجلاها. C'est pour ça qu'il n'y a aucun doute. أفي الله شك. C'est pour ça que هؤلاء. مثلا, si on prend l'exemple de notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, كفار قريش, ils n'ont pas rejeté l'existence d'Allah. Et ils n'ont pas rejeté que Allah c'était le créateur. لكن أشركوا بالله عز وجل في العبادة. Comme on a vu dans le درس précédent. أي التقريب. أما أن الله سبحانه وتعالى c'est le créateur et أنه il existe فهؤلاء ils ont accepté فلهذا الرسل قالوا أفي الله الشك est-ce que vous avez des doutes في الله donc si vous n'avez pas de doutes vous devez l'adorer seul c'est pour ça que دعوة الأنبياء c'est un appel clair à توحيد العبادة قال أن وجود الله ووحدانيته أظهر الأشياء وأجلاها وأن من شك في ذلك فهو مباهت مكابر غير مبال بمخالفة العقل والدين أما celui qui rejette l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala فلا شك أن هذا c'est un orgueilleux au fond de lui ربما il croit لكن ce qui le pousse à rejeter c'est l'orgueil أما celui qui a la raison لا شك أنه il accepte l'existence d'Allah سبحانه وتعالى قال فإن جميع الأشياء وجودها وبقاءها وحفظها وحصول جميع كمالاتها بالله تعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الذي أوجد كل شيء ولهذا قال وفي الله شك فاطر السماوات والأرض نعم هذا دليل عظيم تقدم معنا كثيرا أن l'existence de la créature, ça prouve l'unicité du créateur, Azza wa Jal. Et ces créatures, elles viennent d'où ? فَلِهَذَا قَالُوا كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَ فِي اللَّهِ شَكٌّ Est-ce que vous avez des doutes ? فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ ils ont cité Al-Burhan. Et Allah, c'est le créateur de toutes choses. فَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْعَالَمَ الْعُلُوِي وَالْعَالَمَ السُّفْلِي بِمَا فِيهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ أَوْجَدَهَا مِنَ الْعَدَمِ وَأَبْدَعَهَا وَأَتْقَنَ صُنْعَهَا لا ينكره إلا من جنت عقولهم وانقلبت قلوبهم وفسدت فطرهم واختلفت آراؤهم نعم هذا تقدم معنا كثيرا أن toutes ces créatures c'est un signe clair de l'existence et de l'unicité du créateur قال وأكثر أعداء الرسل مشركون معترفون بالرب وتفرده بالخلق وذلك كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم c'est exactement le sujet de ou une partie du sujet de notre dors précédent ayta qrib at-tadmuriyat shabn uthaymin et on a lu des versets fi hada qala wa minhum malahidatun mu'attilun ka fir'aun id qala wa ma rabbul alamin et dans l'autre verset ana rabbukum al-a'la il a prétendu adullah annahu c'était lui le rab le créateur ala wajh al-inkar n'am wa ma rabbul alamin ala wajh al-inkar أي il a rejeté alors qu'il savait très bien que c'était la vérité. قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها أي Pharaon ou même Ma'a, ils ont rejeté la vérité. Al-juhud, c'est le fait de rejeter, ne pas accepter. Wastayqanat anfusum. Alors qu'au fond d'eux, dans leur nefs, ils savaient très bien. Ta'ammal qawluhu wastayqanatha, ça vient du mot yaqin. C'est pas une simple reconnaissance. Là, ils étaient sûrs et certains que c'était la vérité. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il existe. Et l'appel, la da'wa de Moussa, c'était la vérité. Qala ala wajhi al-inkar. Wa qala ya ayyuha al-mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri. Hada qawl Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté qawl Fir'aun. Ya ayyuha al-mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri. Il a prétendu dans un verset que c'était Rabb, ana rabbukum al-a'la, et dans ce verset que c'était lui al-ilah. Qala 'azza wa jalla, on peut citer le verset qu'on avait cité dans At-Taqrib. Qala 'azza wa jalla ay ikhbaran 'an Moussa. Moussa, il a dit à Pharaon, quand Pharaon il a prétendu que c'était lui le Rabb, le Ilah, qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Ta'ammal qawluhu laqad 'alimta. Et dans l'autre verset, wastayqanatha. Donc il avait le yaqin, il avait le ilm, il était sûr, il avait la science que ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ard. Ay, la révélation que Moussa il a reçue, et la révélation, la da'wa de Moussa, elle venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le savait. Qala wa inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura. Hada, ça montre anna hatta hada al-adou, hada al-taghiya, al-mulhid, fir'aun, qui prétendait al-ilhad, wa illa au fond de lui, il reconnaissait que la da'wa de Moussa, c'était la vérité, que Allah, c'était lui le seul créateur. Lakin al-kibr. قال وجميع الرسل ذكروا أممهم المكذبين واحتجوا عليهم بخلق الرب للمخلوقات كلها. C'est pour ça هذا البرهان. C'est la première preuve que Cheikh Saadi l'a cité dans ce livre, est concernant la créature. Toutes ces créatures, c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Ces créatures ne sont pas venues seules. قال وأنه رب العالمين ورب الأولين والآخرين وذكروهم بكثرة النعم من الله عليهم وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاحتجوا عليهم وبرهنوا على ذلك بأنه الرب الخالق المدبر المنعم بالنعم كلها. نعم, أي الله سبحانه وتعالى c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous a donné. Donc هذا ça montre bien que c'est le créateur عز وجل. وإلا فالإنسان il possédait rien. Il est sorti du ventre de sa mère, il ne possédait rien. Bel, il a été créé à partir d'un liquide. قال وأن من كان هذا وصفه فهو المستحق لإخلاص العبادة له ولكثرة ذكره وشكره وحمده والثناء عليه. هذا سنتبه مهم أن le fait de reconnaître Allah سبحانه وتعالى comme créateur, ça ne suffit pas. لكن هذا البرهان العقلي, le fait de pousser ceux qui ne croient pas à cette réflexion. Anna, qui c'est qui vous a créé? Qui c'est qui vous a donné? Enfin, ça peut les pousser à croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Thumma, cette croyance, elle ne suffit pas. Il y en a ce créateur, on doit l'unifier dans l'adoration. Et c'est ça la da'wa de tous les prophètes. L'imad, il y en a où il nous a créé, il nous a donné. Donc, on doit être reconnaissant. Et kadhalik, pourquoi il nous a créé? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakada da'wa. Si celui à qui on appelle à l'islam, il ne croit pas du tout, c'est un mulhid, on doit l'appeler awwalan à croire en Allah en tant que créateur. Et en Allah, il existe, azza wa jal. Donc, s'il accepte, aussi on fait da'wa à quelqu'un qui accepte déjà que Allah c'est le créateur, la base de la da'wa, c'est de l'appeler à unifier le créateur. Le lien entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. قال وهذه كلها براهين عقلية لا ينكرها إلا من نبذ العقل والدين. نعم, ces preuves elles sont claires. Ne rejette ces preuves comme قال هنا que celui qui a perdu bien sûr son din et sa raison. وإلا va le doué de raison il accepte هذا. Il accepte هذا que cette création, toutes ces créatures elles ont un créateur. قال وكذلك ذكروهم بأيام الله ووقائعه في الأمم الطاغية وذكروهم أن هذه العقوبات ثمرة الكفر والتكذيب وأنها نموذج من عقوبات الآخرة. كذلك من البراهين أن الله عز وجل il a châtié, bel il a fait disparaître des peuples entiers, les a anéantis. لماذا؟ لأنهم ils ont refusé de croire et de se soumettre. فهذا c'est un burhan عظيم. Qui c'est qui a fait disparaître هؤلاء؟ Qui c'est qui a châtié هؤلاء؟ قال وهي عقوبات ومثلات شاهدها الناس بأبصارهم. Et certains ils ont vu ça de leurs propres yeux, ceux qui ont assisté à هذا à l'époque. مثلا à l'époque de Nuh, à l'époque de Ibrahim, à l'époque de Lot, à l'époque de Hud, de Salih, etc. عليهم الصلاة والسلام. قال ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها الأمم والقرون وتواترت أخبارها. نعم. Et ceux qui n'ont pas assisté à هذا, génération en génération, ils se sont rapportés à هذا. C'est pour ça que tu trouves حتى اليهود الآن, même النصارى, ils rapportent ces histoires. Malgré que il y a eu beaucoup de falsifications dans leurs livres et dans leurs croyances. Lakin, ahyanan, ils citent ces histoires. Ce qui est arrivé au peuple de Lot, al-Zalama. Ce qui est arrivé au peuple de Pharaon, al-Zalama. Ils citent hum, hada kadhalik. Les croyants kadhalik, en se basant, wallahi alhamd, sur la vérité et sur le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, bien sûr qu'ils profitent de ces récits. Hada, ça nous montre quoi? Ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Et il fait ce qu'il veut. قال ولهذا يجعل الله هذا النوع من الآيات العقلية الحسية. قال الله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. Beaucoup dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite هذا البرهان. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Et le fait de méditer sur la situation de ceux qui étaient avant nous et qui ont péri. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a noyé le peuple de Nuh, la plupart, illa qalil. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a châtié certains avec rih. Certains, il les a engloutis. Sous terre, لماذا? هذا سنمنت خلنا أن الله سبحانه وتعالى سرب العالمين. قال وكذلك ذكرتهم الرسل أي أممهم بما هم عليه من النصح الكامل والعلم الواسع والصدق وأن جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعلم الخلق وأصدق الخلق وأنصح الخلق للخلق وأنهم معصومون محفوظون عن كل وصف ذميم. Et hadith, c'est une aïe. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ha'oula ar-rusul. Tous ces prophètes et ces messagers à chaque peuple. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ha'oula ar-rusul, أَعْلَمُوا الْخَلْقِ. C'était les personnes qui avaient le plus de science, les plus véridiques, les meilleurs des hommes. قال وذكروا من معجزاتهم وبراهين صدقهم ما يضطر العباد الى الاعتراف بانهم اصدق الخلق وان كل ما جاءوا به فهو حق. Et celui qui les a envoyés, c'est le haq, subhana, c'est Allah. هذه المعجزات que certains ils ont vu min al-kabara et qui n'ont pas accepté à cause de l'orgueil, ça prouve quoi? Ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est unique et il a envoyé ses messagers avec un message azim. Et le fait que tout le monde doit adorer Allah Azza wa Jal seul. قال واعظم ما دعوا اليه توحيد الله ومعرفته فجميع ايات الانبياء ومعجزاتهم وبراهين صدقهم من جمله الادله على وحدانيه ربهم وانه الملك الحق المبين. نعم. Donc les messagers, c'est une preuve que celui qui les a envoyés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait tous que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers pour هذا التوحيد العظيم, et unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. قال ثم إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم أعلى الخلق في كل علم وصدق وبيان وفضل وكمال قد اتفقت كلمتهم واجتمعت دعوتهم على الأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والاعتراف لله بوجوب الوجود والكمال المطلق. نعم. Et ça c'est un burhan azim. On a tous les prophètes et tous les messagers, ils étaient tous d'accord. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés à des endroits différents, à des époques différentes. Mais là, ils ont tous eu le même message. Ça montre quoi? Ça montre que celui qui les a envoyés, il est unique. الله سبحانه وتعالى. قال وهذا أعظم الحقائق كلها وهو التوحيد قد أجمع عليه أكمل الخلائق عقولا وأديانا وفضائل. نعم أي tous les messagers et tous les prophètes, et bien sûr c'était les meilleurs hommes, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour propager son message, Azza wa Jal, là, ils étaient tous d'accord sur l'adoration, ou plutôt la base de notre dîn, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Ça, ça nous montre أن connaître la vérité, c'est une chose. كم من الناس connaissent la vérité. لا تظنون. والله, beaucoup de ملاحدة, à notre époque, beaucoup de kafara, surtout avec tous ces moyens, ils savent. Ils savent la vérité. Beaucoup d'entre eux, ils ont des doutes. Ils ont des doutes et ils ne peuvent pas rejeter complètement. Ils n'ont pas les preuves. Ils n'ont pas la capacité. Beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas le courage. Lakin, كثير من هؤلاء, leur situation, elle est comme celle de Pharaon. Ils rejettent la vérité à cause de l'orgueil. Ils ne veulent pas se soumettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide. Allez, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider. Et كذلك, quand on fait ad-da'wa, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Mathalan, celui qui veut montrer cette vérité à ses proches. Que ce soit des athées ou des kuffars ou des égarés et veut leur montrer la vérité. On doit ne pas oublier cette cause. Faire ad-da'wa. En Allah subhanahu wa ta'ala, il les guide. Khassatan pour nos parents. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il a fait dua pour sa mère. Sa mère, elle ne croyait pas au départ. Elle n'a pas accepté le message du prophète alayhi salatu salam au départ. Lakin, son fils, As-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu, il a fait dua pour elle. Hatta un jour, il est rentré, ou plutôt il a fait dua bien sûr lui, et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour elle. Hatta un jour, il est rentré et sa mère, walillahi alhamd, elle est rentrée fil islam. Ça, ça nous montre un affaire da'wah, c'est très très important. Et kadalik, faire da'wah, c'est très très important. Et kadalik, faire ad-du'a, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il les guide. لماذا تأمل قوله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. Beaucoup de gens, ils sont à la hada al-hal. Ils écoutent les versets. Ils écoutent les preuves. Ils ne peuvent pas les rejeter. Lakin al-kibr. Al-kibr, l'orgueil, annahu, il ne veut pas se soumettre. فبشره بعذاب أليم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. لماذا لأن أنت tu vas montrer une vérité. Lakin pour que cette vérité elle pénètre dans ce cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. يهدي من يشاء ويضل من يشاء إنك لا تهدي من أحببت. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء. قال ومن ذلك أنه شهد لنفسه ومن أكبر منه شهادة. أي الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه أي بالوحدانية أنه إلي أونيك. قال ومن أكبر منه شهادة أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالملائكة كلهم وأهل العلم الصحيح الذين أئمتهم وسادتهم الرسل ثم العلماء الربانيون والهداة المهتدون شهدوا لله بالوحدانية لم يتخلف منهم أحد. Les anges, ils ont témoigné أن الله سبحانه وتعالى il est unique. Il est unique dans al-Rububiyya, dans l'Uluhiyya, dans ses noms et dans ses attributs. Il mérite l'adoration seul. Et c'est lui le créateur qui gère tout. وهكذا les savants وأولو العلم, ils ont témoigné. Et هكذا ceux qui les ont suivis, ولله الحمد. قال ومن زعم أن عنده علما ومن لم يشهد لله بهذه الشهادة فإنه ليس بعلم نافع. هذه سنفائدة طيبة. لأن قال عز وجل شهد الله, لأن هنا le verset n'est pas cité depuis le début. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Donc ça montre que Ulul Ilm, ceux qui ont de la science, ils ont témoigné que Allah subhanahu wa ta'ala il était unique. Al-Shir, on a dit, « Man za'ama, celui qui prétend qu'il a du ilm, comme les kuffars, hein, les athées ou autres, qui ne reconnaissent pas notre prophète Muhammad alayhi salam comme messager d'Allah azza wa jal, qui ne croient pas au Coran, min Yahoud, wa Nasara, et kadalik les athées, jamais al kuffar, même s'ils ont du ilm, s'ils ont du ilm, hadha al-ilm n'est pas nafi', c'est pas une science profitable. La science profitable, elle pousse forcément à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur et kadalik comme unique divinité. Il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Même si c'est de la science, il n'y a pas de profit pour l'âme. Même s'il va en profiter un peu fi dunya, l'au-delà, ça ne lui sera d'aucune utilité. Ça, c'est une autre faïda azima. On a celui qui a du ilm, mais qui ne croit pas, ce ilm, il va le pousser à l'orgueil. قال وهو العلم المورث عن أعداء الله الذين قال الله عنهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء, pourquoi, une des raisons pour lesquelles ils ont rejeté le message et la vérité, فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, avec des preuves, فرحوا بما عندهم من العلم. C'est pour ça que tu vois une énorme différence entre al-kafir qui a du ilm et qui a un certain statut dans la société, et un autre kafir qui n'a pas de science, c'est un meskin, c'est un kafir, lakin, il est en bas de l'échelle. Tu vois une énorme différence. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui acceptent la vérité, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, belle depuis toujours, jusqu'à maintenant, ceux qui acceptent la vérité, c'est plus al-masakin al-du'afa. Amma, ceux qui ont du ilm, des connaissances, ou de l'argent, beaucoup d'entre eux n'acceptent pas le message. L'imam, les gens, ils ont deux causes pour avoir de l'orgueil. L'argent ou la science. Ça, c'est deux choses qui poussent à l'orgueil. Al-ilm et al-mal. C'est pour ça que l'insan, il doit faire attention. Al-ilm, ça doit pousser à la modestie, ça ne doit pas pousser à l'orgueil. Plus l'insan fait des efforts, plus il doit accepter la vérité. Mais s'il fait des efforts, même un musulman, même par le ilm, il fait des efforts et il a du ilm, il a appris tel livre par cœur, il a fini telle matière. Donc, un conseil, il n'accepte pas la vérité, il faut qu'il se remette en question. Hadha al-ilm, est-ce que c'est un ilm nafi' am la? Est-ce que tu apprends l'illah? Est-ce que le but de ton apprentissage, c'est d'appliquer la vérité? Si c'est cela, enfin, pourquoi t'acceptes pas cette vérité? Al-insan, il n'est pas à l'abri. On a tous des faiblesses, mais il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Le but de ce ilm, ce n'est pas de se montrer comme Ahl al-Dunya. Non, mais ils ont du ilm, eux, c'est que pour se montrer ou pour profiter de ce bas monde. Al-ilm al-nafi', c'est à l'opposé. Comme min al-nas ta'allamu, et ils sont devenus pauvres. Ils ont fait des sacrifices. C'est pas pour Dunya al-ilm. Comme min al-nas ta'allamu, ils sont pas connus chez la masse des gens. Le but du ilm, c'est pas d'être populaire, d'être connu, là. Qala rahimahullah, fa akhbara ta'ala أن أعداء الرسل فأخبر تعالى أن أعداء الرسل نعم فأخبر تعالى أن عند نعم فأخبر تعالى أن عند أعداء الرسل علوما قاموا نعم قاوموا بها نعم قاوموا بها علوم الرسل ورضوا بها واطمأنوا لها واستهزأوا بما جاءتهم به الرسل حتى نزل بهم العذاب المحيط والخزي الفاضح. Ça a été la cause de leur perte. Alors, ils ont rejeté la vérité. Les mahavas, les noms, ils avaient de la science. Il m'a dans la médecine, il m'a dans leurs livres qui ont précédé le message de ce prophète ou autre. Et ils ont rejeté la vérité. C'est pour ça que tu trouves ceux qui ont le plus de kibr, c'est les Yahoud, c'est les Juifs. Akhzahumullah. Les mahavas, les noms, ils ont été éprouvés par l'argent et ils pensent avoir la vérité, connaître la vérité. C'est pour ça que tu les trouves, c'est les gens qui ont le plus de fierté et d'orgueil. قال وهذا نظير رد الملاحدة والماديين لما جاءت به الرسل من التوحيد والإيمان والسخرية بها وأتباعها نعم وبأتباعها بأنهم رجعيون مقلدون. هذا نظير رد الملاحدة والماديين. À notre époque, c'est exactement la même situation à notre époque. On répète le verset. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. Pourquoi هؤلاء ils ont rejeté le message de ces prophètes et de ces messagers? لماذا؟ لأنهم ils avaient du ilm et ils se sont moqués d'eux, ils les ont rabaissés et ils se sont enflés d'orgueil. À notre époque, c'est exactement la même chose avec le malahida ou le maddiyin. Al malahida, c'est ceux qui ne croient pas, les athées. Al maddiyun, c'est ceux qui pensent qu'al madda. C'est des athées. Ils pensent qu'au matériel. Ha'oula, qala, wa hadha nadhiru radd al malahida wal maddiyin lima ja'at bihi ar-rusul min at-tawhid wal iman. Ha'oula, kadalik, ils ont rejeté la vérité. Wa sukhriya biha wa bi atba'iha bi annahum raj'iyun muqallidun. Et ils se moquent des suiveurs des prophètes. Qu'est-ce qu'ils disent l'un, les athées? Sur al-muslimoun, sur les croyants. Annahum, c'est des arriérés, des attardés. Annahum, ils n'ont pas compris, les accusent de folie et il a akhiré. L'imada, exactement comme ils ont fait leurs prédécesseurs avec les messagers. قالوا السخرية بها وبأتباعها بأنهم رجعيون مقلدون أتباع كل ناعق وأنهم متخلفون عن ركب الإنسانية. أي أنهم ils sont arriérés. Annahum, ils ont évolué, ils ont avancé. Et le monde musulman, il est toujours attardé pour eux. On perd notre temps pour eux dans des futilités sur l'au-delà, etc. Na'oudou billah. Et hum, ils s'occupent de l'essentiel. Fata'ammal ala khadila. Alors que le croyant, son but, c'est l'au-delà. Hum, ils perdent leur temps. Et toutes ces études, tous ces ulum, tous ces sacrifices qu'ils font, c'est pour certaines choses de ce bas monde. Et du jour au lendemain, ils peuvent quitter ce bas monde. Et s'ils quittent ce bas monde, dans ce cas-là, Aibidoun, Iman, ils n'auront rien, Yawm al-Qiyam. Lakin, accuser Hakada sans ilm, c'est facile. Ça nous montre quoi? Ça nous montre anna al-ulum al-dunyawiyya. Al-ilm. Et on a c'est al-ulum al-dunyawiyya. Si al-insan, هذا العلم الدنيوي il est pas accompagné bel fondé sur l'iman sur la foi et la religion والله c'est une fitna عظيمة كم من الناس من الأطباء les grands docteurs les docteurs réputés les ingénieurs il a agréé هؤلاء qui ont atteint un haut niveau dans les études أنهم ils rabaissent les autres et علومهم في الدنيا ça les a poussés à leur perte et كم من الناس من عوام المسلمين أنهم ils n'ont pas toutes ces connaissances بل ils n'ont pas ces connaissances du tout لكن ils sont على خير عظيم فلا تفرح بعلوم الدنيا s'il n'y a pas d'iman et on ne doit pas être impressionné par les ennemis d'Allah Al-Kafara qui ont atteint un certain niveau dans certaines sciences لكن si ce n'est pas fondé sur la foi والله c'est un châtiment في الدنيا avant عذاب الآخرة قال وما أشبه ذلك مما ينعق به سفهاء الأحلام ضعفاء العقول الذين قلدوا الملاحدة في كل ما يقولون ويفعلون واغتروا بعلوم مادية دنيوية لا تغني عن أهلها شيئا حين فقدت الروح الدين نعم وفي الحاشية نبه قال فكأنها لروح الدين فإما أن تضعف نعم فقدت روح الدين أو لروح الدين على كل حال أن هنا نبه أن certains تأثروا بهؤلاء certains de notre communauté تأثروا ils ont été impressionnés ils ont suivi هؤلاء قلدوا الملاحدة في كل ما يقولون ويفعلون حتى بعض المسلمين الآن ils sont gênés ou ils n'arrivent pas à comprendre que un muslim il fait des sacrifices pour apprendre son din même si ça le pousse à délaisser certaines choses de dunya enfin ils sont gênés. Et quand c'est un mulhid ou un kafir qui fait des sacrifices pour une science de ce bas monde, ils sont impressionnés. L'imada. Pourquoi normalement le mu'min il doit être attiré par les sciences religieuses, même si lui il n'arrive pas à faire d'efforts, au moins il ne rabaisse pas les autres. Là, ça vient du suivi de Ha'oula, de ces athées. قال واغتروا بعلوم مادية دنيوية لا تغني عن أهلها شيئا. صحيح. C'est d'aucune utilité. Comme les gens se gâtent. Hatta بعض المسلمين ils disent antum vous êtes toujours dans les masajid, vous dites encore ça c'est halal, ça c'est haram, vous êtes encore dans l'épilation des sourcils, est-ce que c'est halal ou haram? Vous êtes encore la musique, est-ce que c'est halal ou haram? Alors que les gens ils ont inventé des voitures, ils sont montés sur la lune min hada al kalam al farih. Ça vient d'où hada? Cette pensée elle s'est propagée les madal et an nas ta'atharu بهذا الفكر فكر الملاحدة أي mettre en avant علوم الدنيا par rapport aux sciences religieuses قال بل صار ضررها عليهم أكثر من نفعها. بل سيسيون سامال pour cette personne. Qu'est-ce qu'il va gagner avec? Bel cette science, elle l'éloigne du din. فلهذا الإنسان يدمض الله سبحانه وتعالى العافية. Si une science ou de l'argent, ça t'écarte de ton din, c'est une fitna. On peut prendre le même exemple avec le travail. Vous avez remarqué que on vit à une époque. Prends l'exemple de nos proches. Ça peut être parents ou frères ou cousins, muhim. L'entourage, si tu fais beaucoup d'efforts fit dunya, tu travailles. Ben, si tu rajoutes un autre travail le week-end, et en même temps tu fais du commerce à côté, mouhim, tu te consacres 100% à dunya, ils vont tous être impressionnés. C'est rare. Wahed, il va te dire, khafif, ala nafsik, pourquoi tout ça? Pourquoi tu te fais du mal? Là, ben, ils vont t'encourager, ils vont être impressionnés. Et ils vont dire, ils vont prétendre que c'est cela la réussite. لماذا لأن الناس تأثروا بهذا الفكر المادة أي le fait d'être négligent envers l'au-delà et penser à dunya, les résultats tout de suite. Tu prends ce même entourage et s'ils ont un membre de leur famille qui s'occupe de la science et il recherche la science et il fait beaucoup de sacrifices et il patiente sur la pauvreté, sur d'autres choses, ils arriveront pas à comprendre. Pourtant, les deux ils font des sacrifices, les deux ils sont occupés par une science ou par une chose. Lakin, vu que ils ne voient pas les fruits de ce ilm, ils voient en apparence l'inverse. Annahu rubbama, il a du mal à acheter certaines choses, rubbama il est privé de beaucoup de choses. Vu que atharu al-hayat ad-dunya 'ala al-akhirah, beaucoup de gens, ils n'arrivent plus à comprendre. C'est pour ça qu'on doit faire très très attention. C'est pour ça que éduquer ses enfants à al-mad, à la fikra ou al-maddiyin, pensez qu'au travail, pensez qu'à l'école, pensez qu'à l'avenir de ce bas monde, l'enfant il prendra l'habitude et il pensera plus qu'à dunya. Amma depuis le jeune âge, expliquez aux enfants que hadhihi dunya al-faniya, ne perds pas ton temps dans cette dunya. Là, essaye de t'en sortir, wallah alhamd, trouver faire les causes pour avoir de quoi manger, boire ou habiter, ça s'arrête là. Hein, que l'on doit éduquer nos enfants. Là, tu veux faire des efforts, consacre-toi au ilm si tu veux réussir. Et on sait très bien que tous les enfants musulmans, ils ne se consacreront pas plutôt au ilm. Lakin, essaye de faire que tes enfants, ils font partie de ceux-là. Lana, si nos enfants, ils font des efforts dans l'ilm, tu profiteras ant. C'est toi qui profiteras. Et tes enfants. Fi dunya wa fil akhirah. Qala, wa min a'zam adrariha wa shururiha. نعم أي العلوم الدنيوية أي للسيانس دو سبامون أنهم بها تكبروا على الحق وعلى الخلق واحتقروا بها علوم الرسل وأتبعهم التي هي النافعة المزكية للقلوب المطهرة للأخلاق المصلحة للأمور كلها الجالبة للخير والهدى الدافعة للشرور كلها. نعم ces علوم ça les a poussés à rabaisser les autres بل à ne plus donner de valeur à la science des prophètes et des messages. Ben, pardon, ils se moquent clairement. Pardon, ils se moquent. Ils se moquent de science que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui les a cités et qui les a propagés. Et des sunan, que ce soit dans l'apparence, que ce soit les tenues vestimentaires, que ce soit certaines interdictions. Et Aoula, ils pensent, annahum, ils ont atteint un niveau. Alors qu'ils se font que du mal. Qala, fa haoula al-malahida, wa man qalladahum. علومهم نفخت فيهم روح الكبرياء وسيرتهم بطور غير نعم بطور نعم وسيرتهم بطور غير طورهم نعم قال ورأوا بها العباد أخص من الحيوان البهيم وهم في الحقيقة الأرذلون. Ils pensent que les autres ils sont arriérés. Ben, ils pensent que certaines communautés, dans certains pays qui s'attachent beaucoup à la sunna et qui ont des principes pour l'illahi l'han, leurs femmes elles sont couvertes, ils les traitent et ils parlent d'eux comme des animaux sauvages, alors que c'est des croyants et ils ont fait un choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala il aime les croyants encore plus ceux qui font des efforts. Ma haoula, leur fierté et leur orgueil. Qal wa hum fil haqiqa al-ardaloun, alors que c'est eux qui n'ont aucune valeur. Quelque chose de al-ardaloun, c'est une chose qui n'a pas de valeur. قال ومن أضرارها عليهم أنها وإن رقت حضارتهم وإن رقت حضارتهم ومدنيتهم ولكنها حضارة ومدنية مادية محضة مهددة كل وقت بالهلاك والتدمير. ميم سي سي سيونس. هنا بيان سور سو كي فيزي سي لوكسيدان الكفرة. L'Occident, c'est devenu désarté la plupart. Même si ces sciences, toutes ces technologies, ça leur a permis d'atteindre un certain niveau de confort, il a akhiré. Tout ça, c'est fondé sur Al-Batil. Qala wa in raqat hadaratuhum wa madaniyatuhum. Al-Hadara wa al-Madaniya, c'est là leur civilisation, avec toutes leurs pensées corrompues qu'ils ont inventées. كما قال هنا ولكن حضارة ومدنية مادية محضة. C'est tout fondé sur le mad. حتى ils ont inventé ce principe grave, la laïcité, أن الدين ne doit plus se mélanger à leur dunya. Pourquoi? Parce qu'ils pensent plus qu'à le mad. C'est pour ça qu'ils ont inventé هذا. La laïcité, c'est quoi? C'est un principe que la religion, elle doit rester discrète. Tu fais chez toi. Faut plus que ça apparaisse. لماذا? لأن pour eux, ça gêne. Ou il y a une chose qui est aimée, une chose profitable, on ne veut pas qu'elle disparaisse. لكن هؤلاء يبغضون الدين. وكما قال الشيخ مهددة كل وقت بالهلاك والتدمير. لكن à tout moment cette civilisation elle peut disparaître. Comme des civilisations avant elles ont disparu. وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et on disparaîtra tous et on sera tous ressuscités et ce qui sera utile c'est العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال فأي مدنية وحضارة روحها الظلم والجشع واستعباد الضعفاء والاستعداد بالأسلحة الفتاكة المهلكة للحرث والنسل ونتائجها وثمرتها التطاحن بين أهلها يصب بعضهم على بعض العذاب الفظيع. هنا إلى لخص la situation de هؤلاء, la situation de ces athées et de leur civilisation, et l'Occident. Pour eux, l'Occident, c'est une civilisation qui a atteint un haut niveau dans l'égalité, dans la justice, dans la science, il a akhiré, alors que Ahlul Ilm, la yagtarroun. Un kafir, c'est un kafir. Une croyance datée, c'est une croyance datée. Une civilisation qui a été basée sur l'athéisme, sur la mécréance, c'est pas une civilisation qui réussira, on doit pas être impressionné. فَلِهَذَا هُنَا قَالْ فَأَيُّ مَدَنِيَّ وَحَضَارَ. Et quelle civilisation? الحضارة c'est la modernité etc. روحها qui est fondée sur الظلم والجشع. Ils pensent qu'à l'argent et c'est fondé sur l'injustice. Si tu prends le système bancaire, c'est clair. Le système bancaire c'est un système qui a été inventé par Haoula et c'est que pour enrichir une certaine classe et ça fait beaucoup de mal aux autres. وهم لا يبالون. C'est des injustes. قال واستعباد الضعفاء. T'amènes ce qu'ils ont fait pendant des années au nom de cette civilisation et au nom de la démocratie avec l'esclavage. Une communauté, belle des peuples entiers, ils ont été asservis, ils ont subi d'énormes injustices, ils ont été déplacés de leur pays. Les malades pour soi-disant, par cette soi-disant civilisation moderne. وهكذا le colonialisme. هذا c'est il y a quelques années. لا تغترون. الآن ils ont changé de méthodologie, لكن والله أن leur عنصرية, leur racisme et leur haine envers certaines communautés, on parle même pas que des musulmans, que des croyants, même de certaines communautés qu'ils rabaissent, les Africains et autres, ça reste. لكن الآن ils ont choisi une autre méthodologie, vu que ça choque, ils ne le disent plus clairement. قال والاستعداد بالأسلحة الفتاكة. Et هذا c'est un point مهم. Cette civilisation, l'Occident, chaque partie, que ce soit l'Est ou l'Ouest, les Européens, les Russes, les Américains, les Chinois, ce qu'ils appellent les grandes puissances, chacun, vous avez remarqué, ils se préparent tous et ils font une course à l'armement. L'imad, asliha fatak, des armes destructrices. Ça, ça montre quoi? Ça montre une civilisation qui veut du bien ou une civilisation qui cherche qu'à imposer ses idées aux autres par tous les moyens. فلهذا قال المهلكة للحرث والنسل ونتائجها وثمرتها والتطاحن بين أهلها. الشيخ سعدي رحمه الله تعالى il a connu cette période, l'époque de la deuxième guerre mondiale et tout ce qui s'est passé. تطاحن, des millions de morts. Tu viens à rechercher, tu te demandes pourquoi. Un groupe d'entre eux, il a voulu imposer ses idées aux autres. هكذاهم ils sont. Et le prix de cela, c'est des millions de morts. Et c'est exactement ce qui se passe. On a certains pays veulent imposer leurs idées à d'autres et ils sont capables, ils sont prêts à tout. Wa illa, enfin, pourquoi toutes ces armes? Pourquoi cette course à l'armement, l'imad? Imma c'est pour se défendre, imma pour attaquer, une des deux. Qala yasub ba'dhum 'ala ba'd al'adhab al-fadhi'. Sahih. Aucune rahma. Si tu viens à Akhil Karima, étudie, walaw brièvement. Brièvement. Ce qu'il s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, t'ata'ajjab, le manque de rahma. Des pays, des villes entières bombardées, avec femmes, enfants, vieillards, combattants, non-combattants, malades, non-malades, ils bombardaient Al-Jamia. Ils n'ont aucune rahma. Donc, ma'a'oula, ils veulent montrer cette civilisation qui a été fondée sur Hadha'l-Dhulm. Et n'oubliez pas, si on prend la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, en 1939, il y avait la laïcité et il y avait déjà la démocratie. La démocratie, c'est après la Révolution, c'est fin 1700, on va dire 1800. Ça faisait déjà un siècle, plus d'un siècle qu'il y avait la démocratie. La laïcité kadhalik au début du XXe siècle, 1900. Donc les idées, ils les avaient déjà. Leur principe, ça ne les a pas empêchés de faire toutes ces injustices. قال فهل هذا إلا أكبر دليل وبرهان على كمال قدرة الله وعدله وحكمته وهذه الأمور من أيامه ووقائعه وعذابه الأليم بين الناس ولم تزدهم هذه المواعظ والعبر إلا عتوا ونفورا. نعم هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى في السكيل. قال فهم ينتقلون من عذاب شديد إلى أشد منه. أن tous ces massacres, toutes ces guerres, c'est min adhab illahi azza wa jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui châtie ses peuples entre eux. Et comme a dit le Cheikh rahimahullah, il passe de châtiment, ils goûteront un châtiment encore plus grave dans l'au-delà. Qal wa hum fi tughyanihim ya'mahoun wa bimadaniyatihim shani'a wa atharuha yatamaddahoun. Alors que pour eux, cette madaniya, qui est fondée sur la démocratie et la laïcité, leur civilisation et l'Occident, pour eux, c'est le principe à ne pas délaisser. Alors que c'est soi-disant fondé sur la liberté, si tu délaisses leur principe, t'es forcément mauvais. Ça montre que ça vient de quoi, Hada? C'est l'orgueil. Celui qui est orgueilleux, il n'est pas comme ça. Là, celui qui est orgueilleux, il montre la vérité. Il montre la vérité, et s'il a vraiment la vérité, il craint pour celui qui ne suit pas la vérité l'égarement. Et il lui montre. Amma haoula s'est fondé sur l'injustice et il ne te laisse pas le choix. Alors que eux, ils prétendent que tu as le choix. Contrairement à l'islam, nous on dit qu'on n'a pas le choix. On le dit clairement, c'est pour ça qu'on ne se contredit pas. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُنْ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Le musulman, le croyant, il est clair. Amma, ceux qui veulent satisfaire les kuffars, ils ne peuvent pas dire ça. Ils vont dire, là, tu as le choix de croire, de ne pas croire. C'est complètement faux, tu n'as pas le choix. Celui qui croit, il rentrera au paradis. Mais idnillah azza wa jalla qui obéit, celui qui ne croit pas, il rentrera en enfer. Donc, le croyant, il est clair, regarde, les textes, il y en a beaucoup. Hum, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour ça que nous, on dit que personne n'a le choix. Celui qui ne rentre pas dans l'islam, on ne peut pas lui imposer, nous, lakin, on a la conviction que c'est un égaré. S'il meurt, il sera châtié. Hum, c'est totalement l'inverse, hum. Ils disent quoi? Ils disent que tout le monde est libre. On est tous libres, égaux, et la akhira, chacun il a le droit de choisir. Si tu choisis autre que ce qu'ils ont imposé, ils te combattront. Ça montre quoi, Hada? Ça montre que c'est des menteurs et ils sont injustes. Et ma'a anna, ce qui t'appelle, c'est al-damar. C'est al-damar et c'est al-halak. Et ça te poussera à ta perte, leur pensée, leur croyance corrompue. Alors que le mu'min, il appelle à la vérité. Il appelle à Dar Salam fil Akhira. Il appelle à la miséricorde fil Dunya wal Ukhra. Naam. Qala wa bi madaniyatihim ash-shani'a wa atharuha yatamaddahun ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Et c'est ça la conclusion. Ya'lamun dhahiran min al-hayati ad-dunya. Ils ont des connaissances sur certaines choses de ce bas monde. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Lakin, ils sont négligents, ils ont oublié l'au-delà. Ça nous montre mal, on le répète, on a les études, ou le travail, ou toute chose qui écarte du din, wallahi, c'est un mal. لَا تَغْتَرُونَ les études, surtout les études à notre époque. C'est fondé sur الشر, beaucoup d'études, surtout dans certains domaines. C'est très très grave, ça contredit des préceptes, des principes de l'islam. que ce soit dans l'économie, que ce soit la philosophie, que ce soit concernant les religions, bien sûr, c'est de l'égarement total, ayyadan billah. Lakin, si c'est un ilm nafi', si cette science, elle pousse l'insan à oublier l'akhirah, c'est une fitna. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-hidayah wa al-thabat lil-jami' wa naktafi bi-hada. Et, inshallah, on reprend la lecture de cette risala et de notre l'autre livre à partir de samedi بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.